Voici votre bulletin régional pour le 16 décembre. Le 18 décembre, à 16h, à Istengis, barrage routier à l'intersection rue Engis Nord et Saint-Pierre.